prends ta bateau, prends ton carène, comme celui-là que vous voyez là-bas. On voit pas le mal et toute la peine, se donnent ceux qui sont sur les rats. Dans les toupons plein goudronnage, regardez bien ce tas de margats. C'est ma borde et mon équipage, c'est tout qu'alpha, c'est tout qu'alpha. On trouve partout des ministres, des sénateurs, des députés, des charpentiers, des ébénistes, et même des douaniers retraités. On trouve des femmes de ménage, des nourrices et puis des soldats. Mais ce qu'on trouve plus, ça c'est dommage, c'est des calfas, c'est des calfas. Je le jure sur la pigoulière que j'avais en temps urbain dans le temps, que j'ai vu ma bordée entière tous les jours en cracher le sang. Mais aujourd'hui, sur ma parole, adieu Maillez et Patara, avec toutes leurs sacrées casseroles, faut plus qu'alpha, faut plus qu'alpha. Maintenant que la tôle fait le bordage, y'a plus moyen de faire ses frais. On a supprimé le calfatage, assez du propre que leur progrès. Quoique nos fils feront de leur carrière des ingénieurs, des avocats, autant brûler la pigoulière, faut plus qu'alpha, faut plus qu'alpha. Autant brûler la pigoulière, faut plus qu'alpha, faut plus qu'alpha. Autant brûler la pigoulière, faut plus qu'alpha, faut plus qu'alpha.